الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد On continue donc le cours. Continue le cours, l'explication du livre Al-Furqan, Baina Awliya Ar-Rahman wa Awliya Ash-Shaytan, du Cheikh Al-Islam Ibn Taymiyyah Rahimahullah, avec les commentaires de Cheikh Salih Al-Fawzan, Hafidhahullahu Ta'ala. Hier, on expliquait que la parole des Soufiyas, dans les choses qu'ils rapportent du Prophète sallallahu alayhi wa sallam, parfois c'est des choses mensongères, des choses faibles ou des choses fabriquées. Et beaucoup d'entre eux se basent sur ces choses-là. Et ils pensent qu'ils n'ont pas besoin du prophète, sallallahu alayhi wa sallam, ou qu'ils n'ont pas besoin de la sunna pour atteindre Allah subhanahu wa ta'ala et pour adorer Allah subhanahu wa ta'ala ou pour satisfaire Allah subhanahu wa ta'ala. Mais que, yani, ils ont un autre chemin pour y arriver. Donc, en apparence, il montre qu'il croit en le message du prophète, sallallahu alayhi wa sallam, mais en eux-mêmes, ils n'y croient pas. Donc, c'est comme l'attitude des hypocrites. Et en même temps, ils se disent être des rapprochés d'Allah, ou des saints, ou des saints, ou des serviteurs pieux. Donc, ça, c'est la contradiction totale. Et le cheikh, il disait à la fin que soit ils font ça par opposition à la vérité, ou bien par ignorance. Et le cheikh, il faisait un commentaire à ce sujet-là. Il dit Imma inadan ma'a al-ma'rifa wa imma jahlan bima ja'a bihi ar-rasul sallallahu alayhi wa sallam wa hum yad'un al-'ilm wa yad'un al-ma'rifa wa yusammun al-'arif billah wa ma ashbaha dhalik وأنهم وصلوا إلى الله كيف يصلون إلى الله وهم على هذا المستوى الهابط من الجهل والحماقة. Donc certains ils s'opposent à la vérité avec connaissance et d'autres c'est par ignorance de ce qui a été rapporté du messager sallallahu alayhi wa sallam. Et ça c'est le fait puisque beaucoup d'entre eux sont des juhal, c'est-à-dire sont des ignorants. Beaucoup d'entre eux n'ont jamais étudié l'islam, ils ne sont pas allés étudier auprès des ulama. Surtout par exemple dans certains pays où les gens sont éloignés du ilm et des ulama et qu'ils n'ont appris que dans leur quartier ou dans leur mosquée ou dans leur ville, ils ne sont jamais allés à l'extérieur pour aller chercher la science chez les ulama. Eh bien, ils ont une connaissance très limitée de la religion. Et ils s'imaginent qu'ils ont tout appris et qu'ils ont tout compris. Et donc, c'est une attitude. Hein. Et le pire, c'est que même dans certains livres de certains d'entre les soufis, hein, ils se vantent justement de n'avoir jamais étudié. Ils se vantent de ne jamais avoir étudié la religion et ils prétendent que yani, la vraie science, c'est la science qui est venue par inspiration divine ou bien par illumination ou bien par émanation ou bien par intuition ou bien par rêve, hein, ou des choses de ce genre, alors qu'on sait très bien que la science elle s'apprend uniquement par l'étude, hein, et par la foi, par la lecture et l'étude et l'apprentissage et le fait d'aller apprendre auprès de ceux qui ont la science, comme le prophète sallallahu alayhi wa sallam l'a dit, innama al-ilmu bit-ta'allum. Hein, la science ne vient qu'avec l'apprentissage. Donc c'est des gens comme ça, yani, subhanallah. Et il dit ensuite, le cheikh il explique, donc comment ces gens-là peuvent-ils prétendre arriver à Allah ou connaître Allah et être des awliya alors qu'ils sont dans ce degré, de ce niveau, hein, tellement bas d'ignorance et de stupidité. Il dit ensuite, وما زال الشيخ رحمه الله يبين الفوارق بين أولياء الله وأولياء الشيطان. الله عز وجل ذكر أن أولياء الله هم الذين آمنوا وكانوا يتقون آمنوا ظاهرا وباطنا فلا يكفي الإيمان في الظاهر دون الباطن كإيمان المنافقين الذين يشهدون أنه رسول الله لكنهم كاذبون ويكذبونه في قلوبهم وهؤلاء في الدرك الأسفل من النار فكيف يقال إنهم أولياء الله وكيف وكذلك ضلال المتصوفة الذين يتظاهرون بالشهادة أنه رسول الله ولكنهم في الباطن يعتقدون خلاف ذلك يعتقدون أن الأولياء لا يحتاجون إلى الرسول صلى الله عليه وسلم وإنما يأخذون عن الله مباشرة إنما الذي يحتاج إلى الرسول صلى الله عليه وسلم هم العوام الذين لم يصلوا إلى الله وأما الخواص الصوفية فإنهم وصلوا إلى الله فليسوا بحاجة إلى الرسل فهؤلاء هل يقال إنهم من أولياء الله وهم يكفرون في الباطن ويتظاهرون بالإيمان الظاهر نعم هم يقولون إنهم من أولياء الله ولكن أهل الإيمان وأهل العقيدة الصحيحة يعتقدون أنهم من أولياء الشيطان لأنهم لم ينقادوا للرسول صلى الله عليه وسلم ظاهرا وباطنا فهم أولياء الشيطان. Donc le cheikh il dit que Cheikh al-Islam ibn Taymiyyah il continue d'expliquer les distinctions et les distinctions et les différences entre les alliés d'Allah, les serviteurs rapprochés d'Allah et les serviteurs du shaitan. Et Allah subhanahu wa ta'ala il a mentionné à propos de ses serviteurs pieux et rapprochés et de ses awliya que ce sont ceux qui ont la foi et qui ont at-taqwa, hein, qui se préservent du châtiment d'Allah, qui ont cru intérieurement et extérieurement et non seulement extérieurement, parce que le cheikh dit la foi intérieure, prétendre avoir la foi extérieure mais sans avoir la réelle foi intérieurement, ça c'est comme la foi des hypocrites, ceux qui se disent croyants, qui se disent musulmans mais yani, ils ne croient pas réellement en leur cœur. Et c'est comme ceux qui par exemple prétendent yani, croire en le messager d'Allah. Ils disent nous témoignons qu'il est le messager d'Allah, hein? Et le cheikh il dit comment yani, ces gens là ils prétendent qu'ils croient au messager d'Allah mais ils le démentent, hein? Ils le démentent, c'est à dire ils nient ce qu'il a amené et ils le traitent de mensonge dans leur cœur. Donc le cheikh il dit comme Allah subhanahu wa ta'ala a mentionné à propos des hypocrites qu'ils sont dans les niveaux les plus bas de l'enfer. Donc comment pourrait-on prétendre après ça que ces gens-là sont des serviteurs rapprochés d'Allah ou des awliya d'Allah? Il dit de même que les égarés parmi les soufis, ceux qui se montrent, hein, qui montrent ou qui prétendent qu'ils croient en le témoignage du fait que Muhammad est le messager d'Allah, mais qui en eux-mêmes, dans leur cœur et dans leur intérieur, croient au contraire de cela. Et ils croient que les awliya, les serviteurs qui sont des awliya, ceux que eux les soufis appellent des saints, que eux ils n'ont pas besoin du messager, mais qu'ils prennent uniquement leur science directement d'Allah, comme les prophètes. Donc ils n'ont pas besoin d'Allah selon eux. Celui qui a besoin du prophète ou du messager, c'est uniquement le commun d'entre les musulmans qui n'est pas arrivé jusqu'à Allah. Mais les élites et les élus parmi les soufis, hein, eh bien eux, ils prétendent que ça y est, ils sont arrivés à Allah, donc ils n'ont plus besoin de messager. Et donc ceux-là, est-ce qu'on va dire à leur sujet que ce sont des serviteurs rapprochés d'Allah, alors qu'ils renient la foi à l'intérieur d'eux-mêmes et qu'ils se prétendent croyants en apparence, hein? Donc oui, ils disent qu'ils sont des awliya. Ils disent oui, nous sommes des awliya, nous sommes des serviteurs pieux et rapprochés d'Allah. Et déjà même, qui ose prétendre ce genre de choses, hein? Qui parmi les musulmans a le droit de prétendre ou de dire telle une chose pareille? Yani, subhanallah, même les sahaba, les plus proches du messager, sallallahu alayhi wa sallam, même Abu Bakr radiallahu anhu et Omar ibn al-Khattab, les deux meilleurs de cette umma après le messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, ils avaient peur pour eux-mêmes. Wa alaykum salam wa rahmatullah. Ils se sentaient pas en sécurité ou en paix devant Allah subhanahu wa ta'ala par rapport à leur sort dans l'au-delà. Ils craignaient Allah subhanahu wa ta'ala et ils savaient que, hein, ils étaient que des serviteurs, hein, et des esclaves d'Allah. Mais quelqu'un qui vient et qui dit, moi je suis un wali d'Allah, je suis un serviteur rapproché d'Allah, Allah il m'aime. Comment il ose dire ça? Hein? Sallallahu alayhi wa sallam. Donc ces gens-là, ils prétendent ça, puis après ils disent, oui, nous sommes les gens de la foi, et nous avons la bonne aqida, hein. Et puis après ils disent, nous sommes des croyants. Mais les gens de la aqida, les gens de la foi, ceux qui sont réellement parmi les gens de la sunna, et qui ont une bonne aqida, et qui connaissent la aqida des salafs, ils croient en eux-mêmes que ces gens-là ne sont pas des awliya d'Allah, mais plutôt ce sont des awliya du shaytan. Parce qu'ils ne se sont pas soumis au messager, sallallahu alayhi wa sallam, intérieurement et extérieurement. Donc ce sont des awliya du shaytan. Et comment quelqu'un peut prétendre être sur la bonne voie alors qu'il suit quelqu'un qui se prétend wali et qui non seulement contredit le messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, hein, mais en plus de ça, il pense qu'il a le droit de le faire et qu'il reçoit sa connaissance directement d'Allah, donc il n'a pas besoin du messager, sallallahu alayhi wa sallam, et qui pense que celui qu'il suit, il pense qu'il est meilleur que le messager, et il met sa parole au-dessus de la parole du messager d'Allah. Hein? Et il pense qu'il est sur le droit chemin. Donc ça, c'est grave. Et le cheikh, il dit, « Wa kadhalika fariqun thalith minan nasara, fa minan nasara man yashhadu anna muhammadan rasulullah, ولكن يقول رسالته خاصة بالعرب وليست عامة للناس وليست عامة للناس جميعا فمثل هذا لا يؤمن بالرسول صلى الله عليه وسلم لأنه قصر رسالته على بعض جوانبها واعترف بجانب وجحد جانبا أعظم وهو عموم الرسالة فهؤلاء لا يقال إنهم من أولياء الله وإن كانوا يشهدون أنه رسول الله ويعترفون ولكن يجحدون عموم الرسالة. Donc le cheikh dit, il y a un troisième groupe, et c'est ceux qui parmi les chrétiens disent, oui, on témoigne que Mohammed est un messager d'Allah. Ils disent, oui, on dit, oui, ok, on est d'accord que Mohammed est un messager, sauf que c'est un messager seulement pour les Arabes. Le reste des autres peuples et le reste du monde, ils sont pas obligés de le suivre. Seulement les Arabes. Et donc, le cheikh, il dit, Jazakallahu khairan. Donc, le cheikh, il dit à propos de ces gens-là, il dit, ce genre de personnes, ils n'ont pas réellement cru en le messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam. Pourquoi? Parce qu'ils ont limité et ils ont restreint le message, hein, à un seul aspect. Ils ont uniquement cru à une partie de ce que comprend le témoignage en la prophétie du messager sallallahu alayhi wa sallam, mais ils ont renié un autre aspect qui est plus important encore et plus grand, c'est-à-dire le sens général du message du messager Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, et que il a été envoyé pour tous les peuples et non seulement pour les Arabes. Et donc, quelqu'un qui dit, je crois que Mohammed est le messager d'Allah. Et il dit, ashhadu anna Muhammadan rasulullah. Walakin faqat ila al-arab. Hein? Mais seulement pour les Arabes, celui-là, son témoignage en Muhammad rasulullah, il n'est pas valable. Et donc, on ne peut pas dire de ces gens-là qu'ils sont des awliya d'Allah. Ou qu'ils sont des rapprochés d'Allah. Ou des saints. Même s'ils disent qu'ils croient ou qu'ils témoignent que Mohammed est le messager d'Allah. Parce que il renie le sens général, hein, et l'aspect général de son message. Sinfun rabi' ya'tarifuna annahu rasulullah sallallahu alayhi wa sallam wa anna risalatahu 'ammatun ila jami'i thaqalayn لكن يقولون ليس خاتما خاتم الرسل ليس خاتم الرسل يأتي بعده أنبياء فلا يؤمنون بختم الرسالة. الله عز وجل قال ولكن رسول الله وخاتم النبيين. والنبي صلى الله عليه وسلم قال أنا خاتم النبيين لا نبي بعدي. فالذي يعتقد أنه يأتي بعده الرسول يأتي بعد الرسول نبي يعني هذا كافر، لأنه لا يؤمن بختم الرسالة لمحمد صلى الله عليه وسلم. وكل هؤلاء ليسوا من أولياء الله، وإن كانوا يتظاهرون بأنهم من أولياء الله أو يدعي أو يدعي لهم أو يدعى لهم أنهم أولياء الله، لأنهم لا يدخلون في قوله عز وجل ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين آمنوا وكانوا يتقون. يعني هؤلاء هم أولياء الله على الحقيقة لا بالادعاء. Donc le cheikh il dit, il y a un autre groupe, un quatrième groupe, une quatrième catégorie, qui reconnaissent que Muhammad est le messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, et qui reconnaissent que son message il est général pour tous les deux mondes, le monde des hommes et le monde des djinns. D'accord? Donc ils reconnaissent ça. Mais par contre ils disent, mais il n'est pas le dernier des messagers. C'est pas lui le sceau des messagers, il y aura après lui d'autres messagers, d'autres prophètes. Donc il ne croit pas en le fait que le messager sallallahu alayhi wa sallam soit le dernier des prophètes et des messagers et que c'est lui qui vient sceller le message et la prophétie d'Allah. Et donc Allah subhanahu wa ta'ala il dit dans le verset 40 dans sourate Al-Ahzab à ce sujet-là, mais il est le messager d'Allah et le dernier le sceau des prophètes. Celui qui vient terminer la série des messagers et clôturer le message de la révélation. Donc le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a dit lui-même, je suis le dernier des prophètes, il n'y aura pas de prophète après moi. Et donc, celui qui croit que viendra un prophète après Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, il est kafir, il n'est pas musulman. Même s'il se prétend musulman, même s'il dit qu'il est musulman, même s'il fait la salat 5 fois par jour, même s'il fait le jeûne du ramadan, même s'il donne la zakat, même s'il fait le hajj, même s'il dit la ilaha illallah Muhammad Rasulullah du matin jusqu'au soir 1 million de fois, tant qu'il n'a pas cru que Muhammad est le dernier des prophètes, il n'est pas musulman. Même si c'est une femme qui porte le hijab de la tête jusqu'aux pieds et qui prie toute la journée et qui dit la ilaha illallah, si elle ne croit pas que Muhammad est le dernier messager, elle n'est pas musulmane. Donc il y a des gens comme parfois ils ne comprennent pas les principes de la religion, ils regardent juste l'apparence. Donc tu vois quelqu'un par exemple, un musulman, il a la barbe, il porte le qamis, il fait la salat tous les jours à la mosquée, les 5 prières, il fait son jeûne du ramadan, il fait les jeûnes surérogatoires, il fait la zakat, le hajj, la umra chaque année, il récite les adhkars, il fait toutes ces choses-là. Puis il dit, non, il y a d'autres messagers après Muhammad, sallallahu alayhi wa sallam. Eh bien, même s'il fait tout ça, ça veut rien, ça compte pour rien, c'est zéro, c'est comme de la poussière. Allah subhanahu wa ta'ala va prendre toutes ces œuvres qu'il a faites au jour de la résurrection, il va les transformer en poussière. Il va dire, c'est comme si tu n'avais rien fait. Pourquoi? Parce que sa aqida, elle est fausse. Sa aqida, elle n'est pas bonne. Sa aqida, elle n'est pas valable. Pourquoi? Parce qu'il ne reconnaît pas la vérité. Il ne reconnaît pas la vérité que Muhammad sallallahu alayhi wa sallam est le dernier des messagers et des prophètes et qu'il n'y a pas de messager après lui. Le cheikh il dit, donc celui qui vient avec l'idée qu'il y aura un autre prophète après Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, il est kafir. Parce qu'il ne croit pas le fait que la prophétie elle est scellée par le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam et terminée par le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Et donc tous ceux-là ne sont pas des awliya d'Allah, même s'ils se montrent ou se prétendent comme étant des awliya d'Allah. L'exemple de ça, c'est comme Ghulam Ahmed, Mizra Ghulam Ahmed, le faux prophète des Qadianiyya, des Ahmadiyya. Hein? Eh bien, ça, c'est un exemple. Parmi les kuffars, il y a ce groupe-là. Hein? Et les kuffars, maintenant, ils sont en train de pleurer pour les défendre. Oh, les musulmans, ils font de la discrimination envers les Ahmadiyya, les pauvres Ahmadiyya. Hein? Parce qu'ils ne les reconnaissent pas comme étant des musulmans. Yani, qu'ils acceptent de croire en yani, le fait que le messager Mohammed sallallahu alayhi wa sallam est le dernier et qu'ils renient Ghulam Ahmad, sinon ils ne sont pas musulmans. Et le fait de pleurer ou de parler de discrimination, ça n'a rien à voir. Hein? Ça n'a rien à voir avec ça. Parce que, franchement, subhanallah, si quelqu'un prétend adhérer à une religion puis qu'il refuse de respecter ses fondements les plus importants, hein, et après il parle de discrimination, ça c'est de l'ignorance, c'est de l'égarement. C'est pour ça que les koufars actuellement ne peuvent plus distinguer entre qu'est-ce qui est vrai et faux aujourd'hui, parce qu'ils ont un système puis une idéologie qui dit que tout le monde a le droit de croire en tout ce qu'il veut. Et ça implique quoi? Ça implique que tu as le droit de croire en ce qui est faux. Hein? Même si tu sais que c'est faux et que tu décides d'y croire et que tu le dis toi-même que c'est faux, tu as le droit. Donc tu as le droit de croire au faux même si c'est volontaire et intentionnel. Et donc comment quelqu'un peut accepter un système ou une idée qui lui permet de croire en ce qui est faux? Hein? Ça fait aucun sens. Hein? Donc c'est pour ça aujourd'hui on entend des absurdités, des choses qu'on n'a jamais entendues auparavant. Quelqu'un qui est un homme, hein, il est homme, il a le sexe masculin, puis quand tu l'appelles, tu dis monsieur, il te dit non, je suis pas un homme, ne m'appelle pas homme. Il dit tu veux que je t'appelle comment? Il dit je suis non binaire. Je suis ni homme ni femme. Je suis une autre catégorie. J'accepte pas cette classification. Ça, c'est la société qui a inventé ça. S'il y a quelque chose qu'on peut appeler sophisme, là, il n'y a pas un sophisme plus grave que ce genre de sophisme. On est arrivé au point où les gens aujourd'hui, ils rejettent même les choses les plus élémentaires du gros bon sens. Hein? Et puis après, ils parlent de fake news. Hein? Fake news. Et c'est bizarre parce que tu vois des par exemple, j'ai déjà mentionné cet exemple. C'est que par exemple, si quelqu'un dans certains pays renie la foi en Dieu, il renie la vérité de la foi et de la croyance en Dieu unique, il ne sera pas puni. Il n'y a pas de punition pour ça. Et pour eux, c'est normal. Il a le droit. Mais par exemple, s'ils rejettent certaines choses que eux considèrent comme étant des faits historiques, ils peuvent être parfois même condamnés. Hein? Oui, s'ils rejettent certains faits historiques ou des choses que eux considèrent comme étant des faits historiques ou des choses qui sont effectivement des faits historiques, bien ils risquent d'être condamnés pour ça. Mais est-ce que ces faits historiques-là sont plus importants que de croire en Allah subhanahu wa ta'ala? De croire en sa religion, de croire en la vérité. Donc tu vois que les gens, ils ont le droit de croire en ce qu'ils veulent, mais sauf quand ça arrive à des points où ça touche à des questions qui sont pour eux plus importantes, là c'est différent. Ils changent de discours. Donc c'est pour ça que tu vois, yani, subhanallah, c'est écrit mot pour mot dans le Coran, et le prophète sallallahu alayhi wa sallam l'a dit de façon claire et explicite dans de nombreux hadiths authentiques, qu'il n'y a pas de prophète après lui. Puis par contre, il y a quelqu'un qui vient, qui dit, oui, moi je suis un prophète, après Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, et des gens qui se disent musulmans. Sans compter, par exemple, qu'on peut appliquer cette parole-là à des soufis aussi, parce que les soufis, hein, même s'ils ne disent pas qu'il y a un prophète après Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, mais le fait qu'ils prétendent, qu'ils pensent que quelqu'un peut avoir la connaissance de Dieu directement après Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, qu'il n'a pas besoin de passer par la sunna, de passer par la connaissance qui vient du messager Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, il peut avoir la connaissance d'Allah par un autre chemin. Est-ce que ça implique pas indirectement de prétendre à être un prophète? Ça équivaut à la même chose. C'est comme si quelqu'un, par exemple, comme les soufis qui disent, non, moi nous on a une, Dieu il nous révèle les choses. Ou bien il y en a même qui disent, parmi les extrémistes, parmi les soufis, qu'ils vont monter, voler jusqu'à Lawh al-Mahfouz pour lire qu'est-ce qui est écrit dans la table préservée d'Allah, pour connaître le raïd. C'est-à-dire que même le messager Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, il a dit qu'il ne connaissait pas le ghaib. Et Allah il lui dit dans le Coran, de dire, yani, je ne connais pas le ghaib. Personne ne connaît le ghaib. Et si je connaissais le ghaib, j'aurais amené sur moi beaucoup de bien et aucun mal ne m'aurait touché. Malgré tout, eux, les soufis, les chouyouks des soufis, ils disent non, pour être un wali, il faut connaître le ghaib. Si tu ne connais pas le ghaib, tu n'es pas un wali. Ils ont fait du kufr une condition pour être un wali. Parce que de dire qu'on connaît le raib, ça c'est kufr. Kufr billah. Donc ils en ont fait une condition. Pour être un wali d'Allah, il faut être kafir pour les soufis. Donc ça c'est de l'égarement total. Et le shaykh il dit, donc, وكل هؤلاء ليسوا من أولياء الله وإن كانوا يتظاهرون بأنهم من أولياء الله. Donc tous ces gens-là ne sont pas des awliya d'Allah, même s'ils essaient de se montrer comme étant des awliya d'Allah et des rapprochés d'Allah, et même si on prétend à leur sujet qu'ils sont des awliya d'Allah, ils ne sont pas des awliya d'Allah parce qu'ils ne rentrent pas dans la description que Allah subhanahu wa ta'ala a donnée des awliya dans le Coran. Dans le verset 62 et 63 dans sourate Yunus, lorsqu'il dit, certes, les awliya d'Allah, les serviteurs pieux et rapprochés d'Allah, ils n'auront aucune crainte et ne seront pas attristés. Ce sont ceux qui ont cru et qui se sont préservés d'Allah, préservés de son châtiment, en faisant ce que Allah ordonne et en s'écartant de ce qu'il a interdit. Donc ceux qui ont cru et qui se sont préservés du châtiment d'Allah, ce sont eux les vrais rapprochés d'Allah et les vrais serviteurs rapprochés. Et les awliya, ce sont eux et non pas ceux qui le prétendent parmi ces gens de l'égarement. Et le shaykh dit, fa qawluhu ma'a kufrihim fil batini bima ja'a bihi ar-rasul sallallahu alayhi wa sallam min al-munafiqin wa min ghulat as-sufiyya wa ghayrihim. Donc quand Cheikh Al-Islam Ibn Taymiyyah il dit, alors qu'ils rejettent la foi à l'intérieur d'eux-mêmes en ce que le messager a ramené, c'est-à-dire parmi les hypocrites et parmi les extrémistes, parmi les soufis et d'autres également, il dit wa qawluhu imma inadan wa imma jahlan, yani imma inadan ma'a al-ilm idha kanu ya'lamun aw jahlan wa hadha al-jahl la yu'zaruna bihi. لا يعذرون بهذا الجهل لأنهم بالإمكان زواله بالعلم فهم لا يرون العلم أصلا ويحتقرون الذين يجلسون لطلب العلم ويقولون لسنا بحاجة إلى العلم وهذه ظاهرة في الصوفية من قديم وذكرها ابن الجوزي في تلبيس إبليس وهي واقعة الآن وهناك الصوفية يزهدون في طلب العلم ويقولون أشتغل بالعبادة طلب العلم يوقعك أو يعوقك عن العبادة اشتغل بالعبادة ولست بحاجة إلى طلب العلم ويأتيك العلم تلقائيا وهو نفسه في الصوفية. العلم إذا اشتغلت بالعبادة ويأتيك تلقائيا من عند الله فلا حاجة أنك تجلس تطلب العلم في المدارس أو في حلق الذكر، بل اشتغل بالعبادة ويأتيك الله العلم. وهذه صفة هؤلاء المتعبدة الذين يزعمون أن الاشتغال بالعبادة أفضل من طلب العلم، في حين أن طلب العلم أفضل من التفرغ للعبادة، يعني أن طلب العلم أفضل من التفرغ للعبادة مسألة تفقهها أو تفقهها وتعرفها أحسن من قيام الليل أحسن من قيام ليلة من النوافل وطلب العلم لا يعادله شيء هو أفضل العبادات أما عبادة بدون علم فهي ضلال وهي طريقة النصارى فينبغي التنبه لمثل هؤلاء ما نقول هؤلاء انقرضوا وراحوا لا موجودون الآن Le Cheikh, qu'est-ce qu'il dit ici? C'est très important. Il explique, il dit, par rapport à la parole de Cheikh al-Islam ibn Taymiyyah, quand il a dit que ces gens-là, ils rejettent la foi à l'intérieur d'eux-mêmes, en ce que le messager a amené, sallallahu alayhi wa sallam, il dit soit par opposition ou soit par ignorance. Il dit soit par opposition avec la connaissance, c'est-à-dire ils savent que la vérité est là, mais ils refusent de l'accepter, ils la rejettent consciemment, alors qu'ils savent, et d'autres, c'est par ignorance. Et le cheikh, il dit, mais cette ignorance de leur part, elle n'est pas excusable. Et la raison pour laquelle elle n'est pas excusable, c'est parce que cette ignorance, ils ont la capacité et ils ont les moyens de la retirer et de s'en débarrasser de cette ignorance. Mais ils refusent de se retirer de cette ignorance. Ils refusent volontairement de s'échapper de cette ignorance. Et de qui ils parlent? Ils parlent de ceux parmi les soufis qui sont aveuglés dans cette voie. Pas bien entendu le commun des musulmans qui n'a pas la connaissance de l'arabe. Il n'a pas étudié, il n'a pas accès aux ulama, il n'a pas accès à ceux qui connaissent la aqida, qui connaissent la science, pour leur clarifier ces questions-là dans certains villages, dans certains pays musulmans, dans certains villages éloignés, dans les montagnes, ou bien dans des endroits loin où les gens n'ont pas accès au savoir, n'ont pas accès à la science et n'ont pas accès à des gens qui connaissent la religion, qui connaissent l'arabe, qui peuvent leur traduire les connaissances de l'islam dans leur langue de façon claire et précise. Ceux-là, oui, ils peuvent être excusés parce qu'ils n'ont pas accès à la connaissance. Mais cette catégorie parmi les soufis qui connaissent la langue arabe et qui ont étudié le Coran, qui mémorisent peut-être le mushaf au complet parmi les soufis, puis ils restent dans l'ignorance du tawhid et de l'aqida et de l'islam et des fondements de la religion volontairement. Et ils ne cherchent pas la science auprès des ulama alors qu'ils peuvent le faire. Mais la réalité, comme le cheikh il le dit, c'est que ces gens-là, ils méprisent la science et ils méprisent ceux qui s'assoient pour apprendre cette science. Et ils disent, nous n'avons pas besoin de cette science. Et ça c'est quelque chose qui est présent, c'est une réalité qui est un phénomène, une réalité qui est présente chez les soufis depuis très longtemps. Même que Ibn al-Jawzi, il a parlé de ça dans son livre qu'il a écrit qui s'appelle Talbis Iblis, les ruses du shaitan. Et dans son livre Talbis Iblis, Ibn al-Jawzi il parle de différents groupes parmi les gens de bid'ah qui ont été trompés par le shaitan. Et il parle aussi même parmi différentes catégories de personnes et différents groupes de musulmans. Donc il parle à propos de Talbis Iblis, les ruses du shaitan contre les shi'as, les ruses du shaitan contre les khawarij, les ruses du shaitan contre les soufiyas. Et je pense que la plus grosse partie de son livre, je dirais peut-être les deux tiers de son livre, ça parle des ruses du shaitan contre les soufis. La plus grosse section de son livre, c'est à propos de ces catégories-là, des adorateurs et des soufis. Et comment le shaitan a rusé contre eux. Et il a expliqué même dans ce livre-là qu'une des manières comment le shaitan il a réussi à égarer les soufis, c'est justement à cause de leur éloignement de la science et de leur mépris du ilm. Et donc aujourd'hui, on a des gens de cette catégorie-là, comme les groupes du genre du style de Jamaat Tablir, qui font partie des soufis, parce que le fondateur de Jamaat Tablir, c'était un soufi lui-même, Mohamed Elias Al-Kandahlawi, qui était de la Tariqa Al-Jistiyah, Tariqa Soufia en Inde, et qui suit l'école des Diobandiyah. Et les Diobandiyah, c'est des gens, ils sont connus pour leurs idées, leurs croyances soufis. Donc c'est des soufis à 100% ces gens-là. Et ils ont plein de croyances de shirk et de bid'a et d'égarement. Et ils refusent de s'asseoir dans les cercles de science et d'étudier la religion avec les ulama et d'apprendre le tawhid et l'aqida. Ça c'est quelque chose qu'on remarque chez eux. Et même que je me souviens au tout début quand je me suis converti à l'islam, quand il y avait une question de lire des livres ou d'apprendre la religion, d'écouter les ulama, eux ils étaient toujours en train de décourager ceux qui voulaient apprendre l'arabe, étudier la science. Eux ils se limitaient uniquement à lire le livre de Jamaat Tablir, Tablir Inisab, hein, Fada'il A'mal comme ils l'appellent, et ou bien pour les arabes ils avaient Riyad Salihin, c'est un livre de hadith, il est bon, sauf que c'est pas suffisant de se limiter que à ce livre de hadith. Il y a plein d'autres livres qui contiennent de la science et qui sont importants aussi dans la religion, dans la aqida, dans le fiqh, dans le tafsir, dans le tawhid, dans la aqida, dans tous les aspects de la religion, dans le fiqh, dans l'usul al-fiqh et ainsi de suite. Donc il dénigrait toujours les gens qui cherchaient la science et le savoir, et il disait non, concentre-toi sur l'adoration, concentre-toi sur l'action, il faut agir, il faut pratiquer, c'est pas la science qui est importante. Même Iblis il avait du ilm, hein, même les juifs ils ont du ilm, hein, et ça va pas les sauver. Donc ils dénigrent la science et ils utilisent ce genre de paroles pour décourager les gens à chercher la science. Et donc le cheikh, c'est ce qu'il dit, c'est ça ce qui se passe aujourd'hui, c'est exactement ça qu'on voit aujourd'hui. Il y a des soufis qui découragent les gens et qui éloignent les gens de la quête du savoir et qui disent aux gens, concentrez-vous sur l'adoration. La quête du savoir et la recherche de la science de l'islam, c'est quelque chose qui va t'empêcher de faire de l'adoration. Concentre-toi et travaille sur l'adoration, occupe-toi dans l'adoration. Tu n'as pas besoin de chercher la science, tu n'as pas besoin de chercher le savoir. Si tu cherches le savoir, hein, tu vas être distrait de l'adoration. Il dit, tandis que si tu te concentres sur l'adoration, la science va te venir automatiquement, directement, sans effort. Hein? Donc ils disent ça. Si tu viens avec nous, tu sors fisabilillah pour faire le khuruj, hein, Allah il va te donner la science directe. T'as même pas besoin de chercher la science. Et ils ont dit ça à certains. Hein? Il y a des gens qui étaient avec Jamaat Tablir qui m'ont dit ça. Ils nous disaient, si tu sors avec nous, tu vas apprendre. La science, elle va te venir automatiquement. Il dit, il y a des gens qui étaient sortis avec nous dans une jama'a, dans un pays quelconque, et il y avait des bayans en arabe, et ils ne comprenaient pas l'arabe. Puis tout d'un coup, il y a eu une lumière qui est tombée, et puis tout d'un coup, tout le monde était capable de comprendre l'arabe. Alors, tu vois, si tu sors avec nous, tu n'as pas besoin d'étudier l'arabe, tu vas l'apprendre directement. Et les mourafalines, les gens faibles d'esprit qui réfléchissent pas et qui sont, hein, et qui sont comme ça faibles d'esprit, ils acceptent ce genre d'histoire, hein, et de fables. Et ils suivent ces gens-là. J'ai rencontré un parmi les Jamaat Tablir, il est converti, il était converti depuis 25 ans. 25 ans dans l'islam. Et il dit, il s'est assis avec moi. Ça c'était après que je sois revenu de l'Arabie Saoudite, après que j'ai fini quand j'ai étudié à Médine. Et quand je suis revenu, il m'a dit, une des choses que je regrette, c'est que j'ai pas appris l'arabe. Il a dit, après 25 ans que t'es avec Jamaat Tablir et jusqu'à maintenant, t'es au même niveau que le niveau dans lequel tu étais quand tu es rentré dans l'islam, en ce qui concerne la connaissance de l'arabe et de la religion. Donc quelle évolution tu as eu dans ce groupe de bid'a qui t'ont retenu d'apprendre ta religion et d'avancer? Tu restes toujours ignorant jusqu'à ta mort. Et cette ignorance-là peut t'amener à ta perte et à l'égarement total. Parce que Jamaat Tablir, même si ouvertement ils prêchent pas directement à être un soufi, et ils disent pas directement aux gens soyez des soufis, mais si tu penches vers cette voie-là, ils vont pas t'en décourager. Au contraire, ils vont t'encourager de la suivre, parce que c'est ça ce qu'ils aiment. Mais si tu n'es pas nécessairement attiré par cette voie-là, ils vont pas te dire de la suivre. Ils vont pas t'y appeler directement, mais ils vont pas t'en décourager. Et c'est ça un des dangers de ce groupe. C'est que ils n'interdisent jamais le mal. Ils prétendent qu'ils ne font qu'ordonner le bien. Et donc s'ils savent que tu risques de tomber vers une déviation ou vers un égarement, ils ne vont pas t'en préserver, ils ne vont pas t'en avertir. Au contraire, ils vont t'en encourager. Et la réalité de ces gens-là, c'est qu'ils sont des ennemis de la da'wa et de la salafia. La preuve, c'est que ces gens-là, leurs shuyukh parmi les diobandiyas, sont les premiers à combattre la aqidah et la sunna et les ulama d'ahl sunna. Et donc, c'est des gens vraiment acharnés contre la vérité, contre le droit chemin. Et ils se donnent une image et une apparence de piété, et de gentillesse et de douceur et de sagesse. Mais quand tu leur montres leurs erreurs et que tu leur clarifies l'égarement dans lequel ils sont, et que tu montres que tu es au courant de la réalité de leur mouvement et de leur voix, tu vois leur visage qui commence à devenir un autre visage. Et ils vont te détester plus qu'on doit détester les juifs et les chrétiens. Donc c'est des gens comme ça, nasallallahu alayhi wa sallam, donc ils ont ça, ces caractéristiques-là. Je les ai vus avec mes yeux, je les ai entendus avec mes oreilles, et j'en suis témoin. Et beaucoup de gens en ont témoigné de ça aussi. Sans compter que Mohamed Ilyas Al-Kandahlawi, le fondateur de Jamaat Tablir, quand il a établi sa tariqa et sa voie et cette jama'a, il l'a établi en faisant un serment d'allégeance à 4 tariqa soufiya. 4 turq: Al-Naqshbandiya, Al-Saharwardiya, Al-Jistiya wa Al-Shadhiliya. Ça, c'est les 4 turq avec lesquels il a fait un serment d'allégeance. En disant on va, parce que leur but c'était d'essayer de réunir le soufisme. Ils ont dit, les soufis sont tous divisés en différents turq et ils travaillent tous individuellement. On va essayer de les réunir et de revivifier le tasawuf dans le monde. Et donc c'est un de leurs objectifs, et de combattre la da'wa salafia. C'est ça un de leurs objectifs. Mais beaucoup de musulmans savent pas ça, malheureusement. Donc, ils suivent aveuglément ces gens-là. Et ils cherchent plus la science. Et ils cherchent pas à comprendre et à connaître. Donc, il faut réellement faire attention à ça. Et comprendre ça. Pour éviter justement de suivre aveuglément des gens qui nous amènent vers l'égarement total. Et à Montréal, ils ont leur mosquée. Il y a la mosquée Al-Masjid Al-Madani. C'est là-bas qu'ils ont leur centre. Avant, ils étaient à ICQ. Et ICQ, il y a actuellement l'imam qui est là-bas, Bukhari, qui est lui-même un diobandi. Il a grandi dans leurs écoles. Et il a étudié à Médine, dans la faculté de langue. Mais c'est juste pour le diplôme qu'il a étudié là-bas. Parce que l'aqida des salafs, le manhaj salafi et le tawhid, il ne l'a jamais enseigné dans sa mosquée. Et c'est pas son manhaj, c'est pas sa voie. Jusqu'à preuve du contraire. Parce que tout ce que j'ai entendu jusqu'à date, c'est le contraire de ça. Donc, c'est pour dire, Yanni, c'est ces gens-là, même si aujourd'hui, tu vois, dans sa mosquée, il ne laisse pas les gens venir manger, faire la nourriture, dormir, faire comme il faisait à l'époque. Mais il est toujours sympathisant de leurs actions et de leurs pratiques. Et il les défend malgré tout. Donc, même s'il n'est pas avec eux dans le mouvement, dans la pratique, mais il est avec eux dans l'idée, dans l'idéologie, et il les défend, et il les supporte, comme plusieurs frères m'ont témoigné de ça. Nasallahu al-afiyah. Donc on aimerait qu'un jour ils prennent Kitab al-Tawhid, Usul al-Sunnah, et qu'ils commencent à enseigner l'aqida aux gens qui sont dans sa mosquée. Depuis plus que 20 ans, il est imam là-bas. Qu'est-ce qu'il a fait comme enseignement du manhaj et de l'aqida? Donc il faut lui faire la nasiha, que Allah le guide. Le cheikh il dit ensuite: Fala hajata innaka tajlis. Donc il dit, t'as pas besoin de t'asseoir de t'asseoir pour apprendre la science dans les écoles, dans les universités, dans les cercles d'études. Non, concentre-toi sur l'adoration et Allah il va te donner la science directement. Il dit, ça c'est la description et la caractéristique de ces adorateurs qui prétendent que de s'occuper de l'adoration, que c'est meilleur que la quête de la science, alors qu'en réalité la quête du savoir est une des plus importantes et des plus grandes formes d'adoration. Il dit que de se concentrer sur la quête du savoir et de chercher la compréhension et la connaissance de la religion, c'est meilleur que de se consacrer uniquement à faire des actes surérogatoires de prière ou des actes d'adoration de ce genre. La quête du savoir a plus de mérite et est plus bénéfique que cela. Les imams des salafs, comme l'imam Ahmed, on lui avait posé la question, est-ce que c'est mieux de réfuter les innovateurs et les gens de bid'ah ou de faire la prière de la nuit et de faire le jeûne surérogatoire? Il a dit non, de réfuter les innovateurs c'est meilleur, mais pour réfuter les innovateurs il faut du ilm, il faut de la science. Donc indirectement il était en train de parler de la quête du savoir aussi. Et la raison pour laquelle il a dit c'est meilleur, il a dit pourquoi c'est meilleur, parce que celui qui réfute les innovateurs, il fait pas seulement du bien à sa propre personne, il fait du bien pour les autres musulmans aussi, pour qu'ils soient avertis. Tandis que celui qui fait des prières et des jeûnes sur l'obligatoire, il fait que du bien pour lui-même seulement. Quand tu fais une prière, ça fait pas du bien aux autres, ça fait du bien à toi seulement. Quand tu fais des jeûnes, ça fait seulement du bien à toi. Mais quand tu enseignes la science, quand tu propages la science, quand tu partages la science que tu as apprise, eh bien tu fais du bien à tout le monde. Et tu fais que le bien se propage autour de toi, tu encourages les gens au bien. Donc ça c'est pas seulement pour toi-même, c'est pas seulement un bien qui se revient seulement à ta propre personne. C'est quelque chose qui touche à tout le monde, qui touche à toute la société, qui produit des fruits pour toute la société. Et tout le monde est touché par le bien qui en découle. Et de là vient le mérite et la grandeur de l'importance de la quête du savoir et de la partager. Et donc, si le cheikh dit une question dans laquelle tu as étudié, un chapitre dans la science, un chapitre dans la connaissance que tu l'as maîtrisé et que tu l'as appris, c'est meilleur que de passer toute la nuit à faire des prières surérogatoires. Plus important et meilleur en récompense et en mérite. Donc il dit le cheikh que la quête du savoir c'est une des meilleures parmi les adorations. Tandis que l'adoration sans science c'est de l'égarement. Et c'est la voie des chrétiens. Ghayr al-maghdoubi alayhim wa al-dallin. Ad-dalloun, c'est ceux qui adorent Allah mais sans science. Et c'est la voie des chrétiens. Et le cheikh il dit donc qu'il faut faire attention à ce genre de personnes. Et donc, on dit pas, non, ces gens-là, c'était dans le passé, ils existent plus maintenant, ils sont plus près, ça existe plus, cette catégorie de personnes-là. Non, ils existent encore aujourd'hui. Ces gens-là sont là maintenant. C'est comme un soufi que j'ai rencontré l'autre jour. Il vient du Sénégal. C'est un soufi du Sénégal, Tidjani. Il me dit, les chouyoukhs de la Mecque, il faut qu'ils viennent apprendre l'islam au Sénégal. C'est au Sénégal qu'il y a le ilm, le vrai ilm de l'islam. Il dit, subhanallah, ah oui, c'est là-bas. Alors dans ce cas-là, ça veut dire, ça y est, khalas, plus besoin d'aller étudier l'islam maintenant, chez les ulama de l'islam, qui viennent du monde entier, qui sont tous réunis dans les terres saintes. Non, on va quitter Mecca, on va quitter Médine pour aller étudier à Dakar. hein, ou bien quelque part au Sénégal. Sallallahu alayhi wa sallam, ça c'est de l'égarement, de l'ignorance. Mais la réalité c'est que beaucoup de soufis, ils pensent comme ça. Et c'est pas la même chose. Combien même par exemple quelqu'un parmi les Jamaat Tablir par exemple qui voulait quelqu'un voulait aller étudier par exemple à Médine, il a été accepté à l'université islamique de Médine. Ils ont dit non, vas-y pas, reste avec nous, reste avec Jamaat Tablir. Il a dit la lumière. On a dit la lumière que Allah avait mis à la Mecque et à Médine, cette lumière maintenant elle est partie. Elle est en aide maintenant. Donc c'est plus là-bas qu'il faut aller pour étudier. Si tu veux apprendre la vraie religion maintenant, viens en aide. Sallallahu alayhi wa sallam. Comment ça? Hein? C'est n'importe quoi. Donc c'est pas spécifique à un groupe soufi. Tous les gens de bid'at dalal, ils sont comme ça. Ils essaient de t'éloigner de la connaissance. Et certains disaient, comme j'ai rencontré des gens, je me rappelle quand j'allais étudier en Arabie Saoudite, ils me disent, si tu vas aller étudier là-bas, c'est bien, mais ne deviens pas wahhabi, hein. Il ne faut pas que tu deviennes wahhabi. Alors je lui dis, mais c'est quoi wahhabi? Et là, il commence à bégayer parce qu'il ne peut pas dire qu'est-ce que c'est. Il ne sait pas. Il ne sait même pas lui-même. Hein? Je lui dis, est-ce qu'il y a quelque chose qui est incorrect dans ce que Cheikh Mohammed ibn Abdul Wahhab a enseigné? Est-ce qu'il y a quelque chose qu'il a enseigné qui est contraire au Coran et à la Sunna? Si c'est le cas, dans ce cas-là, on aimerait savoir qu'est-ce que c'est. Montre-nous. J'ai dit, est-ce que tu as déjà lu les livres de Cheikh Mohammed ibn Abdul Wahhab? C'est un savant parmi les savants. Hein? Donc, tu as lu son livre, Kitab al-Tawhid, al-Usul al-Thalatha, al-Qawa'id al-Arba'a, al-Usul al-Sitta. Hein? Est-ce que tu as lu Kashf al-Shubuhat et ses autres livres? Est-ce que dedans tu as trouvé quelque chose qui contredit le Coran et la Sunna? Il dit non, mais tu sais, l'Arabie Saoudite, là, il veut rentrer dans la politique. Il dit, moi je te parle de ilm, toi tu me parles de politique. Hein? Il dit, dans le Coran et dans la Sunna, tout ce qui est dans les livres du Cheikh Mohammed ibn Abdul Wahhab, c'est uniquement qu'est-ce que Allah a dit, qu'est-ce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, et qu'est-ce que les ulama de l'islam ont dit, parmi les salafs, hein, et les ulama d'Ahl al-Sunna. Donc, qu'est-ce que tu as à lui reprocher par rapport à ça? Hein? Donc si tu trouves par contre des choses qui sont des erreurs ou des contradictions avec le Coran et la Sunna, ça, peu importe de qui ça vient, on doit la rejeter. Que ce soit Mohammed ibn Abdul Wahhab ou n'importe quel autre parmi les ulama de Ahl al-Sunna ou d'autres parmi les gens de Bid'ah. La vérité, hein, elle est acceptée de tous et le faux, il est rejeté de tous, peu importe de qui. Donc ça, c'est une règle générale. En tout cas, on va s'arrêter ici pour aujourd'hui, puis on continuera la suite au prochain cours, bi-idhnillah. Subhanakallahu wa bihamdika, ashhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilayk, wa sallallahu wa sallam ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, wassalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh.